13, 4, observation, prononciation. Ce et the. Écoutez. Gauche, tissu, bassin, sous, siècle, salle, question, poste, rester, célèbre, c'est tout, en face, oiseau, magasin, allusion, visiter, profitez-en, allez-y, des étudiants, les enfants, aux États-Unis, aux Antilles, de faux amis, de beaux idiots, ils sont deux garçons, ils ont deux garçons.